Je fais pas du rap conscient, je fais du rap d'inconscient sur la 3-200 avec Prolique dans la cage. J'étais au premier tournant, t'as tourné à terre, non, voilà t'es intermant, pas de couille que de la tchatch. Ravitaille la neuseau comme Vivi. La porte du succès, je casse au pied de biche, qui va m'empêcher, hein? Ok, t'es elle qui, BDH qui te lâche pour un kit de parquet. Barrage de carte grise, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce que tu préfères, hein? S'ouvrir l'atmosphère, hein? Aucun arrangement pour te satisfaire, t'es venu pour un dégoût, tu rentres en Uber. Oh que c'est triste, bah ouais. Quand t'es une boîte sous le cas, ouais. Bout de jambe, bout de bras scotché. Buenas noches. Entouré de rats, normal c'est la rue. La vraie pas de scénario. J'y arrive et que je faisais un cauchemar. J'ouvre les yeux et je suis sur un yacht. Embrasse ta mère au lieu de bouffer des chats. Que Dieu me préserve, faire le commis sur Snapchat. On transforme la queue trop en monnaie. On transforme la queue trop en monnaie. On transforme la queue trop en monnaie. On transforme la queue trop en monnaie. Abracadabla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. J'étais trop lourd et je me tire ailleurs. Midi, minuit, on a travaillé. Pour nous faire quitter son pile à l'heure. Traficante de la caille. On transforme la queue trop en monnaie. Soumis et décondé, on transforme en monnaie. Vulgaire, crapuleux, insolent. Tu connais le G, ouais. C'est léger comme DJ Gay. Ça pète des mouettes même quand rien à fêter. Boulette de zip, elle sur le zip. Le type fait skier les clics. Bon poche chez la débauche, voilà sauver tes poches. La ligne 5 ça va vite. Y'a Godu et petit loup au placard. Une câlin par balle, on fait plus la bagarre. Personne va nous hagar, calibre sous le parka. Mon d'achat de l'imacaque, le berbère est barbare. Pas perte, la défaite j'assume. Toutes mes paroles en ton insu. Bien sûr, je te rassure. Le temps n'a pas chassé les blessures. La volaille à mes trousses. Les vois plus dans moi être trop. Tu sperme plein la bouche, mets tes armes du bras, tu me fais le Pablo. Si t'es avec l'on te pousse, il faut en faire à quatre pots. A la hype, je t'éclabousse, voilà du high la douce, on prend tout comme Marlo. J'étais trop lourd et je me tire ailleurs. Midi, minuit, on a travaillé. Pour nous faire quitter son pile à l'heure. Traficante de la caille. On transforme la queue trop en monnaie. Sous les yeux des condés, on transforme. On transforme la queue trop en monnaie. On transforme la queue trop en monnaie. On transforme la queue trop en monnaie. On transforme la queue trop en monnaie. J'étais trop lourd et je me tire ailleurs. Midi, minuit, on a travaillé. Pour nous faire quitter son pile à l'heure. Traficante de la caille. On transforme la queue trop en monnaie. Sous les yeux des condés.